Ça use les souliers. Vivement la réunion, je vais pouvoir me saouler, manger les restes de la cantine et m'enlever le sable des pieds. Colonie de vacances, merci whisky, merci vodka. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. La. C'est la phase B du single, quoi. Du dernier single. C'est la phase B de la phase B, ça. Ouais, phase Z. Pardon. Avec mon saucisson, il me faut une baguette. Je mange du camembert, même si ça fouette. C'est l'heure de la réunion, je vais enfin pouvoir bouffer. Je suis plus un bouffon, je laisse un fond de bouteille et je m'émerveille sur mon caleçon aux couleurs de l'été. La monitrice en bikini, c'est une actrice refoulée. Je suis bourré comme un curé, je vais quand même la fourrer. Faut dire toute la soirée, elle a bien cherché. Colonie de vacances, merci whisky, merci vodka. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Colonie de vacances, merci whisky, merci vodka. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Eh, vas-y, remets-lui la petite sœur. Oh, arrête, t'es dégueulasse.